Page 182. Document H. La presse, ça m'intéresse. Dis donc, il y a beaucoup de magazines chez toi, Victoria. Tiens, le dernier numéro de Elle. Je peux le regarder ? Bah, Pierre, tu lis des magazines féminins, toi, vraiment ? Bah oui, je trouve ça intéressant. En fait, la rubrique cuisine m'intéresse. Je la lis pour les recettes. Et SoFoot, c'est pour qui ? SoFoot, c'est pour mon colocataire. C'est vrai ? Lilian aime le foot ? Non, pas du tout. Mais je vais t'expliquer. Il a un nouveau travail et tous ses collègues sont passionnés de foot. Alors il leur parle de ce sujet pour apprendre à les connaître. C'est un magazine sportif utile pour sa vie sociale. Intéressant. Mais toi, tu lis quel magazine ? Eh bien, Elle. Et puis aussi Les Inrecuptibles. C'est un magazine culturel. Les rubriques cinéma, musique, littérature, j'adore. Oui, moi aussi, Les Inrocs, ça me plaît bien. Mais je préfère les articles sur l'actualité, la politique, la société. Oui, c'est vrai, je l'aime bien. Mais qui lit Géo ? Géo, c'est pour Zoé ? Zoé ? Mais oui, Zoé, ma nouvelle colocataire. C'est une étudiante américaine. Tu ne la connais pas ? Pas encore, mais... Elle lit en français sans problème ? Oh, elle ne comprend pas tout, mais dans Géo, il y a des photos magnifiques. Elle les regarde, ça l'aide à comprendre. Et vous les trouvez où, ces magazines ? Au kiosque à journaux, en bas. J'imagine que le vendeur vous adore. Ah oui, on lui achète nos magazines tous les samedis. Il nous aime beaucoup.